transfusion tremble au plafond et se balance dans l'ambulance. Immaculée comme une madone, blouse blanche, coiffure de lionne. L'infirmière voudrait me faire taire, j'hallucine à tort, je la vois de travers, sans défiler les rotatis sur mon portrait qui change de vie. Je vois ma vie comme dans les films, tout en zoomé en travelling. Je crois que ma mort est passée de vogue, c'est l'épisode de l'épilogue. J'ai cru ma tête jusqu'une moitié, côté pop pour figurer. Je vois comme des uns qui nous possèdent à cheval sur les lignes jaunes, les Amazones de l'autoroute. Dans ma déroute qui les rembelle, prennent la tangente qui t'a bretelle. Pour un rebelle de rembelage, moi je vais c'est tout ce qui me reste. La route s'ouvre à mon cottage, j'ai un peu de temps et neige. Je traverse la ville en président, tout derrière. Car les bras au mur s'en prend de gants dans la figure. Faut que je m'habitue à ce que ça change. Retourne.